Chapitre 36e. L'automne est écoulé, nous sommes au lendemain de Noël. La nouvelle année est commencée, les trois fils de Mark sont retournés à leur pension. Madame Trevenox se prépare à quitter Penrose Place. Barbara lui recommande d'une voix émue le pauvre malade qui doit prochainement devenir son hôte. Tout ce qui sera ordonné par la science sera fait avec le plus complet dévouement, soyez-en sûr, Barbara. Vos soins ne pourront, je le crains, triompher de la maladie, mais du moins, ils adouciront les derniers jours du malade. Votre situation, mon enfant, vous fait un devoir de combattre les idées sombres. Cela me ferait plus de mal que de bien, je vous jure, d'entretenir des illusions qu'une cruelle réalité viendrait détruire. Au lieu de m'endormir sur le danger, je tiens à savoir la vérité, et je demande aujourd'hui de m'avertir quand le moment fatal sera venu, afin que j'aille, une dernière fois, serrer la main au pauvre Major Leland. Vous ne voudriez pas faire un pareil chagrin à votre mari. J'ai la confiance que Vivien ne me refusera pas ces douloureuses consolations. S'il en est ainsi, je vous jure de vous faire tout connaître, ma chère Barbara. C'est dans de pareils moments qu'on regrette surtout de n'avoir pas le don de l'ubiquité, car il m'est bien dur, je vous assure, de vous quitter en pensant au grand événement que vous attendez. Dieu me protégera, répond Barbara à sa mère. Et vos bons soins sont bien plus nécessaires à George Leland qu'à moi. Florence, dit-elle en s'adressant ensuite à sa sœur, tu t'ingénieras, n'est-ce pas, pour le distraire et pour adoucir ses souffrances. Ton bon cœur me répond de ton dévouement. Tu m'écriras souvent, tu me diras la vérité, j'y tiens essentiellement. Madame Trevenox serre tendrement sa fille dans ses bras en lui renouvelant solennellement la triste promesse que Barbara a exigée d'elle tout à l'heure. Madame Trevenox et Florence étant reparties pour Camberwell, M. et Mme Penrose sont seuls au château de Penrose Place, où un petit berceau, vide encore, mais représentant tant d'espérance, occupe maintenant une si grande place. Un doux nom s'échappe souvent des lèvres de Vivien, qui ne veut pas admettre, avec Barbara, que la Providence commette l'erreur de lui envoyer une fille. Quelques semaines lui donnent raison en le rendant père d'un garçon. Le joyeux carillon des cloches de Penrose Place annonce le glorieux événement aux quatre vents du ciel. Vivien reste des heures à contempler la petite créature, qui va maintenant régner sur tous les cœurs par la seule puissance de l'amour. Chez Barbara, c'est une adoration délicate et mystérieuse comme l'être qui l'inspire. Elle prend l'enfant dans ses bras, le dépose dans son berceau, le reprend et fait déjà pour lui mille rêves d'avenir. Malheureusement, il faut toujours une ombre au tableau, et les lettres qui arrivent de la Villa des Roses sont loin d'être rassurantes. Florence écrit à sa sœur que le Major Leland devient de plus en plus sédentaire. Il ne va jamais à son club, mais il reçoit à Camberwell la visite d'une foule d'officiers, ses anciens camarades de l'armée des Indes. Florence déclare à Barbara qu'elle écoute avec le plus vif intérêt le récit des campagnes de ces jeunes héros, puis, n'oubliant jamais le côté positif des choses, elle ajoute que personne n'a encore reçu si pence de la gratification promise à l'armée, et que s'il n'était pas si malséant d'être radical, il n'en faudrait pas davantage pour le faire passer avec armes et bagages dans les rangs de l'opposition. Après trois ou quatre lettres de Florence, Mme Trevenox prend aussi la plume, et les bulletins qu'elle envoie à Barbara accusent les progrès incessants de la maladie. « Notre pauvre ami, écrit-elle, maigrit à vue d'œil. Il perd à la fois le sommeil et l'appétit. La fièvre le dévore. Les ravages de la maladie sont effrayants. La dernière consultation ne laisse plus d'espoir. Le poumon perforé par une balle est perdu depuis longtemps. L'autre est des plus gravement compromis. Le Major Leland sent avec la résignation chrétienne d'un héros la main de la mort qui s'appesantit sur lui. Et sa foi, ajoute-t-elle, nous montre à l'avance comment il saura mourir. Barbara communique à Vivien ses tristes nouvelles. Serait-ce une consolation pour vous de voir encore une fois le Major Leland ? Dit M. Penrose à sa femme. Comment pouvez-vous lire ainsi dans mes plus intimes pensées, mon ami ? Parce que l'amour est une divination, cher enfant, et que je vous aime. S'il en est ainsi, Vivien, vous devez savoir aussi que vous avez à jamais gagné mon cœur. En entendant ce tendre aveu, Vivien tombe aux genoux de Barbara. Jamais encore sa femme ne lui avait paru si grande ni si belle. « Vivien, dit-elle, cette dernière condescendance à mes désirs me touche plus profondément que tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à ce jour. à qu'il m'est doux de voir qu'enfin vous croyez en moi. Comme je crois en vous, vous fixerez le jour de notre départ. Hélas, le temps presse et la mort n'attend pas. Dans une semaine, je serai, je pense, en état de quitter Penrith Place. 8 jours après, en effet, le grand landau transporte à la gare César et sa fortune, c'est-à-dire Vivien, Barbara, et un jeune baby à moitié enfoui dans les dentelles et dans du cygne moins blanc que lui.